Chapitre 10 Espérance. Les premiers jours du printemps approchaient. Le soleil commençait à prendre un peu de force. Le ciel était pur, l'air tiède. Fleur de Marie, appuyée sur le bras de la louve, essayait ses forces en se promenant dans le jardin de la petite maison du docteur Griffon. La chaleur vivifiante du soleil et le mouvement de la promenade colorait d'une teinte rosée les traits pâles et amaigris de la Goualeuse. Ses vêtements de paysanne ayant été déchirés dans la précipitation des premiers secours qu'on lui avait donnés, elle portait une robe de mérinos d'un bleu foncé, faite en blouse, et seulement serrée autour de sa taille délicate et fine par une cordelière de laine. « Quel bon soleil !» dit-elle à la louve, en s'arrêtant au pied d'une charmille d'arbres verts exposés au midi et qui s'arrondissait autour d'un banc de pierre. « Voulez-vous que nous nous asseyions un moment ici, la louve ?»« Est-ce que vous avez besoin de me demander si je veux ?» répondit brusquement la femme de Martial en haussant les épaules. Puis, ôtant de son cou un châle de bourre de soie, elle le ploya en quatre, s'agenouilla, le posa sur le sable un peu humide de l'allée et dit à la goualeuse « Mettez vos pieds là-dessus ». Mais la louve dit Fleur de Marie, qui s'était aperçue trop tard du dessein de sa compagne pour l'empêcher de l'exécuter « Mais la louve, vous allez abîmer votre châle ». « Pas tant de raison, la terre est fraîche, » dit la louve. Et prenant d'autorité les petits pieds de Fleur de Marie, elle les posa sur le châle. Comme vous me gâtez, la louve. Vous ne le méritez guère, toujours à vous débattre contre ce que je veux faire pour votre bien. Vous n'êtes pas fatigué. Voilà une bonne demi-heure que nous marchons. Midi vient de sonner à Asnières. Je suis un peu lasse, mais je sens que cette promenade m'a fait du bien. Vous voyez, vous étiez lasse. Vous ne pouviez pas me demander plus tôt de vous asseoir. Ne me grondez pas, je ne m'apercevais pas de ma lassitude. C'est si bon de marcher quand on a été longtemps alité, de voir le soleil, les arbres, la campagne, quand on a cru ne les revoir jamais. Le fait est que vous avez été dans un état désespéré durant 2 jours, pauvre goualeuse. Oui, on peut vous dire cela maintenant. On désespérait de vous. Et puis, figurez-vous, la louve, que me voyant sous l'eau, malgré moi, je me suis rappelé qu'une méchante femme, qui m'avait tourmenté quand j'étais petite, me menaçait toujours de me jeter aux poissons. Plus tard, elle avait encore voulu me noyer. Alors je me suis dit, je n'ai pas de bonheur, c'est une fatalité, je n'y échapperai pas. Pauvre goualeuse, ça a été votre dernière idée quand vous vous êtes crue perdue? Oh non, dit Fleur de Marie avec exaltation, quand je me suis sentie mourir, ma dernière pensée a été pour celui que je regarde comme mon Dieu. De même, qu'en me sentant renaître, ma première pensée s'est élevée vers lui. C'est plaisir de vous faire du bien à vous, vous n'oubliez pas. Oh non, c'est si bon de s'endormir avec sa reconnaissance et de s'éveiller avec elle. Aussi on se mettrait dans le feu pour vous. Bonne louve, tenez, je vous assure qu'une des causes qui me rendent heureuse de vivre, c'est l'espoir de vous porter bonheur, d'accomplir ma promesse. Vous savez, nos châteaux en Espagne de Saint-Lazare, quant à cela, il y a du temps de reste. Vous voilà sur pied, j'ai fait mes frais, comme dit mon homme. Pourvu que monsieur le comte de Saint-Rémy me dise tantôt que le médecin me permet d'écrire à madame Georges. Elle doit être si inquiète. Et peut-être monsieur Rodolphe aussi, ajouta Fleur de Marie en baissant les yeux et en rougissant de nouveau à la pensée de son Dieu. Peut-être il me croit morte, comme le croient aussi ceux qui vous ont fait noyer, ma pauvre petite. Oh, les brigands! Vous supposez donc toujours que ce n'est pas un accident, la louve? Un accident? Oui, les Martial appellent ça des accidents. Quand je dis les Martial, c'est sans compter mon homme, car il n'est pas de la famille, lui. Pas plus que n'en seront jamais François et Amandine. Mais quel intérêt pourrait-on avoir à ma mort? Je n'ai jamais fait de mal à personne. Personne ne me connaît. C'est égal. Si les martials sont assez scélérats pour noyer quelqu'un, ils ne sont pas assez bêtes pour le faire sans y avoir un intérêt. Quelques mots que la veuve a dit à mon homme dans la prison me le prouvent bien. Il a donc été voir sa mère, cette femme terrible? Oui, il n'y a plus d'espoir pour elle, ni pour Calebasse, ni pour Nicolas. On avait découvert bien des choses, mais ce gueux de Nicolas, dans l'espoir d'avoir la vie sauve, a dénoncé sa mère et sa sœur pour un autre assassinat. Ça fait qu'ils y passeront tous. L'avocat n'espère plus rien. Les gens de la justice disent qu'il faut un exemple. Ah, c'est affreux. Presque toute une famille. Oui, à moins que Nicolas ne s'évade. Il est dans la même prison qu'un monstre de bandit appelé le squelette, qui machine un complot pour se sauver lui et d'autres. C'est Nicolas qui a fait dire cela à Martial par un prisonnier sortant, car mon homme a été encore assez faible pour aller voir son gueux de frère à la force. Alors, encouragé par cette visite, ce misérable, que l'enfer confonde, a eu le front de faire dire à mon homme que d'un moment à l'autre il pourrait s'échapper, et que Martial lui tienne prêt, chez le père Micou, de l'argent et des habits pour se déguiser. Votre Martial a si bon cœur tant que vous voudrez, la Goualeuse, mais que le diable me brûle si je laisse mon homme aider un assassin qui a voulu le tuer. Martial ne dénoncera pas le complot d'évasion, c'est déjà beaucoup. D'ailleurs, maintenant que vous voilà en santé, la Goualeuse, nous allons partir, moi, mon homme et les enfants, pour notre tour de France. Nous ne remettrons jamais les pieds à Paris. C'était bien assez pénible à Martial d'être appelé fils du guillotiné. Qu'est-ce que cela serait donc, lorsque mère, frère et sœur y auraient passé? Vous attendrez au moins que j'ai parlé de vous à Monsieur Rodolphe si je le revois. Vous êtes revenu au bien. J'ai dit que je vous en ferais récompenser. Je veux tenir ma parole. Sans cela, comment m'acquitterais-je envers vous? Vous m'avez sauvé la vie. Et pendant ma maladie, vous m'avez comblé de soins. Justement, maintenant j'aurais l'air intéressé si je vous laissais demander quelque chose pour moi à vos protecteurs. Vous êtes sauvé. Je vous répète que j'ai fait mes frais. Bonne louve, rassurez-vous, ce n'est pas vous qui serez intéressé, c'est moi qui serai reconnaissante. Écoutez donc, dit tout d'un coup la louve en se levant, on dirait le bruit d'une voiture. Oui, oui, elle approche, tenez, la voilà, l'avez-vous vue passer devant la grille? Il y a une femme dedans. Oh mon Dieu, s'écria Fleur de Marie avec émotion. Il m'a semblé reconnaître... Qui donc? Une jeune et jolie dame que j'ai vue à Saint-Lazare et qui a été bien bonne pour moi. Elle sait donc que vous êtes ici? Je l'ignore, mais elle connaît la personne dont je vous parlais toujours, et qui, si elle le veut, et elle le voudra, je l'espère, pourra réaliser nos châteaux en Espagne de la prison, une place de garde-chasse pour mon homme, avec une cabane pour nous au milieu des bois, dit la louve en soupirant. Tout ça, c'est des féeries. C'est trop beau. Cela ne peut pas arriver. Un bruit de pas précipité se fit entendre, derrière la charmille. François et Amandine, qui, grâce aux bontés du comte de Saint-Rémy, n'avaient pas quitté la louve, arrivèrent essoufflés en criant « La louve, voici une belle dame avec monsieur de Saint-Rémy. Il demande à voir tout de suite Fleur de Marie. » « Je ne m'étais pas trompé, » dit la Goualeuse. Presque au même instant parut monsieur de Saint-Rémy, accompagné de madame d'Harville. À peine celle-ci eut-elle aperçu Fleur de Marie, qu'elle s'écria en courant à elle et en la serrant tendrement dans ses bras. « Pauvre cher enfant, vous voilà, ah, sauvé, sauvé miraculeusement d'une horrible mort! Avec quel bonheur je vous retrouve, moi qui, ainsi que vos amis, vous avez cru perdu, vous avez tant regretté. Je suis aussi bien heureuse de vous revoir, madame, car je n'ai jamais oublié vos bontés pour moi, dit Fleur de Marie, en répondant aux tendresses de madame d'Harville, avec une grâce et une modestie charmantes. Ah, vous ne savez pas quelle sera la surprise, la folle joie de vos amis, qui à cette heure vous pleurent si amèrement. Fleur de Marie, prenant par la main la louve, qui s'était retirée à l'écart, dit à Madame d'Harville en la lui présentant, « Puisque mon salut est si cher à mes bienfaiteurs, permettez-moi de vous demander leur bonté pour ma compagne, qui m'a sauvée au risque de sa vie. Soyez tranquille, mon enfant, vos amis prouveront à la brave louve qu'ils savent que c'est à elle qu'ils doivent le bonheur de vous revoir. » La louve, rouge, confuse, n'osant ni répondre ni lever les yeux sur Madame d'Harville, tant la présence d'une femme de cette dignité lui imposait, n'avait pu cacher son étonnement en entendant Clémence prononcer son nom. « Mais il n'y a pas un moment à perdre, reprit la marquise. Je meurs d'impatience de vous emmener, Fleur de Marie. J'ai apporté dans la voiture un châle, un manteau bien chaud. Venez, venez, mon enfant. » Puis, s'adressant au comte, « Serez-vous assez bon pour donner mon adresse à cette courageuse femme, afin qu'elle puisse demain faire ses adieux à Fleur de Marie ? De la sorte, vous serez bien forcé de venir nous voir, » ajouta Madame d'Harville en s'adressant à la louve. « Oh, madame, j'irai bien sûr, » répondit celle-ci, « puisque ce sera pour dire adieu à la goualeuse. J'aurai trop de chagrin de ne pouvoir pas l'embrasser encore une fois. » Quelques minutes après, Madame d'Harville et la goualeuse étaient sur la route de Paris. Rodolphe, après avoir assisté à la mort de Jacques Ferrand, si terriblement puni de ses crimes, était rentré chez lui dans un accablement inexprimable. Ensuite, d'une longue et pénible nuit d'insomnie, il avait mandé près de lui Sir Walter Murph pour confier à ce vieux et fidèle ami l'écrasante découverte de la veille au sujet de Fleur de Marie. Le digne squire fut atterré. Mieux que personne, il pouvait comprendre et partager l'immensité de la douleur du prince. Celui-ci, pâle, abattu, les yeux rougis par des larmes récentes, venait de faire à Murph cette poignante révélation. « Du courage, dit le squire, en essuyant ses yeux, car malgré son flegme, il avait aussi pleuré. « Oui, du courage, monseigneur, beaucoup de courage. » Pas de vaine consolation. Ce chagrin doit être incurable. Tu as raison. Ce que je ressentais hier n'est rien auprès de ce que je ressens aujourd'hui. Hier, monseigneur, vous éprouviez l'étourdissement de ce coup, mais sa réaction vous sera de jour en jour plus douloureuse. Ainsi donc, du courage. L'avenir est triste, bien triste. Et puis hier, le mépris et l'horreur que m'inspirait cette femme, mais que Dieu en ait pitié, elle est à cette heure devant lui. Hier enfin, la surprise, la haine, l'effroi, tant de passions violentes refoulaient en moi ces élans de tendresse désespérée, qu'à présent je ne contiens plus. À peine si je pouvais pleurer. Au moins maintenant, auprès de toi, je le peux. Tiens, tu vois. Je suis sans force, je suis lâche, pardonne-moi. Des larmes encore, toujours, oh mon enfant, mon pauvre enfant. Pleurez, pleurez, monseigneur, hélas, la perte est irréparable. Et tant d'atroces misères à lui faire oublier, s'écria Rodolphe avec un accent déchirant, après ce qu'elle a souffert, songe au sort qui l'attendait. Peut-être cette transition eût-elle été trop brusque pour cet infortuné, déjà si cruellement éprouvé. Oh non, non, va, si tu savais avec quel ménagement, avec quelle réserve je lui aurais appris sa naissance, comme je l'aurais doucement préparé à cette révélation. C'était si simple, si facile. Oh, s'il ne s'était agi que de cela, vois-tu, ajouta le prince avec un sourire navrant. J'aurais été bien tranquille et pas embarrassé. Me mettant à genoux devant cet enfant idolâtré, je lui aurais dit « Toi qui as été jusqu'ici si torturée, sois enfin heureuse, et pour toujours heureuse, tu es ma fille. » « Mais non, dit Rodolphe en se reprenant, non, cela aurait été trop brusque, trop imprévu. Oui, je me serais donc bien contenu, et je lui aurais dit d'un air calme. « Mon enfant, il faut que je vous apprenne une chose qui va bien vous étonner. »« Mon Dieu, oui, figurez-vous qu'on a retrouvé les traces de vos parents. »« Votre père existe et votre père, c'est moi. » Ici, le prince s'interrompit de nouveau. « Non, non, c'est encore trop brusque, trop prompt. Mais ce n'est pas ma faute, cette révélation me vient tout de suite aux lèvres. C'est qu'il faut tant d'empire sur moi. Tu comprends, mon ami, tu comprends. Être là devant sa fille et se contraindre. » Puis, se laissant emporter à un nouvel accès de désespoir, Rodolphe s'écria. « Mais à quoi bon ces vaines paroles? Je n'aurai plus jamais rien à lui dire. Oh, ce que c'est affreux, affreux à penser, vois-tu. C'est de penser que j'ai eu ma fille près de moi, pendant tout un jour, oui, pendant ce jour à jamais maudit et sacré, où je l'ai conduite à la ferme. Ce jour où les trésors de son âme angélique se sont révélés à moi dans toute leur pureté. J'assistais au réveil de cette nature adorable, et rien dans mon cœur ne me disait « c'est ta fille ». Rien, rien. Oh, aveugle, barbare, stupide que j'étais, je ne devinais pas. Oh, j'étais indigne d'être père. Mais, monseigneur, mais enfin, s'écria le prince, a-t-il dépendu de moi, oui ou non, de ne la jamais quitter? Pourquoi ne l'ai-je pas adoptée, moi qui pleurais tant ma fille? Pourquoi, au lieu d'envoyer cette malheureuse enfant chez Madame Georges, ne l'ai-je pas gardée près de moi? Aujourd'hui, je n'aurai qu'à lui tendre les bras. Pourquoi n'ai-je pas fait cela? Pourquoi? Ah, parce qu'on ne fait jamais le bien qu'à demi. Parce qu'on apprécie les merveilles que lorsqu'elles ont fui et disparu pour toujours. Parce qu'au lieu d'élever tout de suite à sa véritable hauteur cette admirable jeune fille, qui, malgré la misère, l'abandon, était par l'esprit et par le cœur plus grande, plus noble peut-être, qu'elle ne le fut jamais devenue par les avantages de la naissance et de l'éducation. J'ai cru faire beaucoup pour elle, en la plaçant dans une ferme, auprès de bonnes gens, comme j'aurais fait pour la première mendiante intéressante qui se serait trouvée sur ma route. C'est ma faute, c'est ma faute. Si j'avais fait cela, elle ne serait pas morte. Oh, si... Je suis bien puni, je l'ai mérité, mauvais fils, mauvais père. » Murph savait que de pareilles douleurs sont inconsolables. Il se tut. Après un assez long silence, Rodolphe reprit d'une voix altérée. « Je ne resterai pas ici, Paris m'est odieux, demain je pars. » « Vous avez raison, monseigneur. Nous ferons un détour, je m'arrêterai à la ferme de Bouqueval. » J'irai m'enfermer quelques heures dans la chambre où ma fille a passé les seuls jours heureux de sa triste vie. Là, on recueillera avec religion tout ce qui reste d'elle. Les livres où elle commençait à lire, les cahiers où elle a écrit, les vêtements qu'elle a portés, tout, jusqu'aux meubles, jusqu'aux tentures de cette chambre, dont je rendrai moi-même un dessin exact. Et à Gerolstein, dans le parc réservé où j'ai fait élever un monument, à la mémoire de mon père outragé, je ferai construire une petite maison où se trouvera cette chambre. Là, j'irai pleurer ma fille. De ces deux funèbres monuments, l'un me rappellera mon crime envers mon père, l'autre le châtiment qui m'a frappé dans mon enfant. Après un nouveau silence, Rodolphe ajouta « Ainsi donc, que tout soit prêt, demain matin. » Murph, voulant essayer de distraire un moment le prince de ses sinistres pensées, lui dit « Tout sera prêt, monseigneur. Seulement vous oubliez que demain devait avoir lieu à Bouqueval le mariage du fils de Madame Georges et de Rigolette. Non seulement vous avez assuré l'avenir de Germain et doté magnifiquement sa fiancée, mais vous leur avez promis d'assister à leur mariage comme témoin. Alors seulement, ils devaient savoir le nom de leur bienfaiteur. » « Il est vrai, j'ai promis cela. Ils sont à la ferme, et je ne puis y aller demain, sans assister à cette fête. Et je l'avoue, je n'aurai pas ce courage. La vue du bonheur de ces jeunes gens calmerait peut-être un peu votre chagrin. Non, non, la douleur est solitaire et égoïste. Demain, tu iras m'excuser et me représenter auprès d'eux. Tu prieras Madame Georges de rassembler tout ce qui a appartenu à ma fille. On fera faire le dessin de sa chambre, et on me l'enverra en Allemagne. » Partirez-vous donc aussi, monseigneur, sans voir madame la marquise d'Harville ? » Au souvenir de Clémence, Rodolphe tressaillit. Ce sincère amour vivait toujours en lui, ardent et profond. Mais dans ce moment, il était pour ainsi dire noyé sous le flot d'amertume dont son cœur était inondé. Par une contradiction bizarre, le prince sentait que la tendre affection de madame d'Harville aurait pu seule l'aider à supporter le malheur qui le frappait, et il se reprochait cette pensée comme indigne de la rigidité de sa douleur paternelle. « Je partirai sans voir madame d'Harville, » répondit Rodolphe. « Il y a peu de jours, je lui écrivais la peine que me causait la mort de Fleur de Marie. Quand elle saura que Fleur de Marie était ma fille, elle comprendra qu'il est de ses douleurs, ou plutôt de ses punitions fatales, qu'il faut avoir le courage de subir seule. Oui, seule, pour qu'elle soit expiatoire. Et elle est terrible, l'expiation que la fatalité m'impose, terrible, car elle commence, pour moi, à l'heure où le déclin de la vie commence aussi. » On frappa légèrement et discrètement à la porte du cabinet de Rodolphe, qui fit un mouvement d'impatience chagrine. Murph se leva et alla ouvrir. À travers la porte entrebâillée, un aide de camp du prince dit au squire quelques mots à voix basse. Celui-ci répondit par un signe de tête, et se tournant vers Rodolphe, « Monseigneur, me permet-il de m'absenter un moment ? Quelqu'un veut me parler à l'instant même pour le service de votre Altesse royale. » « Va, » répondit le prince. À peine Murph fut-il parti que Rodolphe, cachant sa figure dans ses mains, poussa un long gémissement. « Oh ! » s'écria-t-il, « ce que je ressens m'épouvante. Mon âme déborde de fiel et de haine. La présence de mon meilleur ami me pèse. Le souvenir d'un noble et pur amour m'importune et me trouble. Et puis... cela est lâche et indigne, mais hier j'ai appris avec une joie barbare la mort de Sarah, de cette mère dénaturée qui a causé la perte de ma fille. Je me plais à retracer l'horrible agonie du monstre qui a fait tuer mon enfant. Oh, rage ! Je suis arrivé trop tard, s'écria-t-il en bondissant sur son fauteuil. Pourtant, hier je ne souffrais pas cela, et hier comme aujourd'hui je savais ma fille morte. « Oh oui, mais je ne me disais pas ces mots qui désormais empoisonneront ma vie. J'ai vu ma fille, je lui ai parlé, j'ai admiré tout ce qu'il y avait d'adorable en elle. Oh, que de temps j'ai perdu à cette ferme, quand je songe que je n'y suis allé que 3 fois, oui, pas plus. Et je pouvais y aller tous les jours, voir ma fille tous les jours, que dis-je, la garder à jamais près de moi. » Oh, tel sera mon supplice de me répéter cela toujours, toujours. Et le malheureux trouvait une volupté cruelle à revenir à cette pensée désolante et sans issue, car le propre des grandes douleurs est de s'aviver incessamment par de terribles redites. Tout à coup, la porte du cabinet s'ouvrit, et Murph entra très pâle, si pâle que le prince se leva à demi et s'écria « Murph, qu'as-tu ? » ? Rien, monseigneur. Tu es bien pâle pourtant. C'est l'étonnement. Quel étonnement ? Madame d'Harville. Madame d'Harville, grand Dieu, un nouveau malheur ! Non, non, monseigneur, rassurez-vous, elle est là, dans le salon de service. Elle est ici ? Elle chez moi, c'est impossible. Aussi, monseigneur, vous dis-je la surprise. Une telle démarche de sa part? Mais qu'y a-t-il donc au nom du ciel? Je ne sais, mais je ne puis me rendre compte de ce que j'éprouve. Tu me caches quelque chose? Sur l'honneur, monseigneur, sur l'honneur, non. Je ne sais que ce que madame la marquise m'a dit. Mais que t'a-t-elle dit? Sir Walter, et sa voix était émue, mais son regard rayonnait de joie. Ma présence ici doit vous étonner beaucoup, mais il est certaines circonstances si impérieuses qu'elle laisse peu le temps de songer aux convenances. Priez Son Altesse de m'accorder à l'instant quelques moments d'entretien en votre présence, car je sais que le prince n'a pas au monde de meilleur ami que vous. J'aurais pu lui demander de me faire la grâce de venir chez moi, mais c'eût été un retard d'une heure peut-être, et le prince me saura gré de n'avoir pas retardé une minute cette entrevue, a-t-elle ajouté avec une expression qui m'a fait tressaillir. Mais, dit Rodolphe d'une voix altérée, et devenant plus pâle encore que Murph, je ne devine pas la cause de ton trouble, de ton émotion, de ta pâleur. Il y a autre chose, cette entrevue. Sur l'honneur, je ne sais rien de plus. Ces seuls mots de la marquise m'ont bouleversé. Pourquoi, je l'ignore. Mais vous-même, vous êtes bien pâle, monseigneur. Moi, dit Rodolphe en s'appuyant sur son fauteuil, car il sentait ses genoux se dérober sous lui. Je vous dis, monseigneur, que vous êtes aussi bouleversé que moi. Qu'avez-vous ? Dussé-je mourir sous le coup ? Prie Madame d'Harville d'entrer, s'écria le prince. Par une sympathie étrange, la visite si inattendue, si extraordinaire de Madame d'Harville avait éveillé chez Murph et chez Rodolphe une même vague et folle espérance. Mais cet espoir leur semblait si insensé que ni l'un ni l'autre n'avait voulu se l'avouer. Madame d'Harville, suivie de Murph, entra dans le cabinet du prince.